Donc, ce soir, on parle des cycles de maturité. Quand on parle de maturité, on parle d'une association avec Saturne en astrologie et tout ce qui donne à l'individu de la profondeur. Qui dit profondeur dit capacité de traiter avec des zones de crise et avec des rapports avec les gens dans ces mêmes zones de crise qui sont des gestes souvent de grande solidarité pour arriver justement à donner à l'individu une position ou une zone de tension relâchée par le fait d'un support par l'environnement. Imaginez-vous une tonne de quelque chose, on va dire une tonne de briques, avec une surface d'appui d'à peu près un pouce. Il n'y a pas grand possibilité de ne pas creuser. Hein? Si vous mettez la surface à 10 pieds, vous avez déjà une capacité de support. Donc, un individu qui a de la profondeur, c'est une personne qui, dans une zone de crise, est capable d'élargir son support pour être capable de traiter avec la pression qui est mise, comme exemple équivalent d'une tonne de pression que vous pourriez avoir sous vos épaules, malgré que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est une zone de tension qui existe, qui donne l'impression d'un poids ou d'un fardeau énorme. Donc, une personne prend de la maturité dans sa vie en sachant comment traiter justement avec les imprévus, traiter avec le temps et traiter aussi avec les rapports humains qui lui permettent à la fois d'être supporté, mais aussi dans ces zones dites de crise, des zones d'obstacles, dans le sens qu'il y a des individus qui vous créent des obstacles. Et évidemment, quand on parle d'obstacles, on parle de quelque chose qui cherche à vous détruire. Vous avez tout le temps, en quelque part dans votre vie, des zones qui, je dirais comme ça, bêtement, là, qui vous placent devant la mort. Mais vous n'êtes pas marqué pour mourir, mais vous êtes placé pour y passer. Vous me suivez? Fait que je pense à Benoît, exemple, qui a eu une chute importante en moto. Il a été placé pour mourir, mais il n'était pas marqué pour mourir. Mais il était placé pour y penser qu'il était pour mourir. Bon, vous avez tout le monde, à un niveau quelconque, ça peut être au niveau goût de la vie, c'est pas toujours un accident, c'est pas toujours une situation fatale, finale, mais vous êtes tout le temps placé en quelque part dans votre vie à vous poser la question à savoir c'est quoi votre goût de vivre après cet événement-là. Donc, il devient extrêmement important pour l'individu d'avoir à traiter avec profondeur cette situation-là. Et c'est souvent des conditions qui se traitent pas tout seul. Vous êtes pas placé dans ces cheminements-là pour être capable de voir tout l'éclairage nécessaire pour prendre des décisions ou pour tout simplement supporter la pression pendant cette période de temps-là, seul. Vous avez besoin d'un accompagnement. De là, souvent, dans la maturité, l'importance de savoir traiter en couple, traiter en famille, et traiter sur des zones amicales, par exemple avec des projets qui vous permettent d'avoir une perspective d'avenir et non pas simplement avoir à juguler constamment un passé souffrant ou ambigu ou style vous avez été abandonné d'une quelconque façon. Fait que votre profondeur se fait par la capacité de résister à la destruction et quand vous avez passé le cap d'être détruit, parce qu'il y a toujours comme une zone finale à cet état d'obstacle-là, bien là, vous avez de la maturité parce que vous avez appris à aller chercher en dedans de vous-même des forces que vous aviez jamais imaginées qu'il était possible d'aller chercher. Et ces forces-là, évidemment, c'est simplement la capacité d'être guidé par votre source, donc votre contact. Mais pour la plupart des gens, c'est simplement avoir comme un petit miracle dans sa vie, parce que très peu de gens, évidemment, savent que c'est leur esprit qui mène le show. Évidemment, pour les gens qui savent, peut-être pas qui vivent avec, mais qui savent qu'il y a des forces occultes, des forces très puissantes, en fait des forces qui créent votre vie, qui opèrent comme en background sur votre personnage, ben c'est évident que ces forces-là peuvent éventuellement se révéler. Il y en a qui ont appelé ça des anges, il y en a qui ont appelé ça... des extraterrestres ou n'importe quoi. Mais ces forces-là, évidemment, quand ils se présentent, ils vous font dépasser la facture humaine, c'est-à-dire l'attitude humaine qu'on pas généralise, mais qu'on place comme une normalité, on va dire une force humaine, et on va parler éventuellement, à travers certains obstacles, d'une force surhumaine. Mais le surhumain appartient à l'esprit, puis l'humain, la normalité humaine, appartient à l'âme. Fait qu'au niveau de l'âme, vous avez une force qui est mesurable, puis au niveau surhumain, vous avez une force qui est incontenable, c'est pas le vrai thème, mais c'est au-delà de tout ce qui peut se considérer comme normal. C'est ultra-normal, paranormal, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est sûr que si l'individu est placé dans une perception de lui-même qui vise à le détruire, dans le sens qu'il sent que des forces veulent le détruire, veulent le limiter fortement, et qu'il commence à prendre conscience d'une capacité de vouloir, d'une capacité d'afficher une autorité devant la situation pour ne pas se faire détruire, et qu'il y parvient. Mais l'important de donner le terme « et il parvient ». Parce que des gens qui se voient normal dans des situations dites « anormales » ne passeront pas le test, parce qu'ils vont se comporter normalement. Il faut être capable de traiter avec l'anormal, donc quelque chose qui dépasse l'entendement humain, pour être capable de faire contact avec votre source. Il faut que vous ayez une confiance dans une divinité, un Dieu. Moi, dans mon cas, c'est les forces. Chaque individu a sa religion ou sa façon de percevoir l'extraordinaire. Et puis, quand une personne est capable de se remettre entre ces forces-là et s'engage comme pour dire, ben, le pire qui peut m'arriver, c'est de mourir, ben là, à ce moment-là, ce qui doit être fait, se fait. En ce sens que si t'es pas marqué pour mourir cette journée-là, tu mourras pas puis tu vas passer à travers. Mais si t'as affaire à mourir, ben, tu vas avoir une belle mort. C'est une mort voulue. Si on peut dire ça de même. Donc, cette profondeur-là, c'est simplement la répétition assez fréquente de tests qui vous présentent à des obstacles qui visent évidemment à vous détruire, à vous limiter, mais ça va plus que la limite, c'est vraiment à vous détruire. Il y a comme une saveur active qui va vers quelque chose qui veut éliminer votre système de valeurs, qui veut vous faire transposer des valeurs que vous avez et qui n'ont plus leur fonction dans votre vie, qui doivent être abandonnés. Et dans cet abandon-là, ben, ces valeurs-là sont placées, comme une transition. Vous avez cru pendant X temps à telle chose, et puis à un moment donné, ben, ça doit passer à d'autres choses. Moi, c'est ce que je vis de ce temps-là avec le phénomène de la conscience. Je me suis donné comme mandat, à un moment donné, de poursuivre le travail de Bernard. Mais j'avais oublié une chose, c'est que le poursuivre seul, le poursuivre en gang, c'est deux affaires différentes, tu sais. C'est comme la plupart des gens, après Bernard, ils ont décidé de poursuivre tout seul, puis ils m'ont laissé tout seul à poursuivre le travail que je pensais être un travail d'équipe. Et là, ben, on remarque que ça sent le club privé jusqu'à temps qu'il n'existe plus. Et puis cette dimension-là de poursuivre le travail, c'était pour moi un système de valeur. Tu sais, j'avais le système de... Je donnais de la valeur à une progression de ça, mais ça se fera probablement plus en collectivité, ou si ça se fait, ça va se faire sans moi, parce que là où les gens veulent continuer, c'est un bout que j'ai fait il y a peut-être 30 ans ou 20 ans, donc j'ai pas le goût de recommencer, tout simplement. Donc, ça, c'est clair qu'il y a un processus de destruction, et dans le processus de destruction, mais je suis obligé d'accepter la destruction de ce que j'ai engagé, que ce que j'ai engagé, et que je regarde ça avec un autre œil, de le voir sur un développement personnel avec des amis, parce que là, au stage, j'ai rendu, c'est quasiment ma famille. Et puis, à partir de là, ben, tous nouveaux ingrédients devraient passer, ingrédients, j'entends, des nouvelles personnes, qui soient chinois, peu importe la race, il va falloir qu'ils passent à travers des livres ou des CD ou des cassettes, peu importe. Mais moi, je suis plus là pour... repartir ça dans le côté pratico-pratique, ça c'est clair et net. Ils vont rester dans l'abstraction, ça tant pis pour eux autres. Les forces, c'est leur responsabilité, ils s'en occuperont. Fait que j'ai transité, je sais pas si vous comprenez. Donc, inévitablement, j'ai eu un obstacle, ça a détruit un système de valeurs, et ça m'emmène dans une nouvelle forme de valeur, une nouvelle façon de traiter. qui va être une façon plus normale de vivre ma vie, parce que finalement, toujours avec les forces, tout le temps, ça te donne pas une vie normale, ça te donne une vie abnormale, et puis cette situation-là devient extrêmement aiguë avec le temps. Donc, il est évident que le mot « maturité » pour bien des gens, ça suppose une façon de faire les choses. Et dans la façon de faire les choses, vous avez beaucoup de prudence qui apparaît. Prudence étant une capacité d'observer. Puis quand je dis observer, c'est évidemment observer les obstacles, parce que on veut pas se placer en situation, je dirais, d'inexpérience, et on va chercher l'expérience des autres. Fait que jusqu'à temps qu'on ait notre propre expérience. Quand une personne, à un moment donné, s'est engagée dans plusieurs formes, ben, il finit que son sens d'observation est aiguisé. Il est plus prudent parce qu'il comprend qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être mises à risque indéfiniment. Moi, j'avais mon automobile, ma direction était complètement débattue. Je suis carrément chanceux d'être en vie. Quand le gars m'a défait ma top plate sur ma direction, il me restait à peu près ça de métal pour retenir le choc. Ça clac, t'es à 120, là, ça traverse ton wood, cling, pointe à faire un dessin de qu'est-ce qui se passe avec ta roue. J'ai dit, shit de merde, je suis protégé, moi, là, c'est vrai. Donc, faut bien comprendre que la prudence, c'est une capacité d'écouter une petite voix, hein. La petite voix, elle dit, hey, roule pas trop vite, là, ça brasse sur le chemin, là. Puis là, la petite voix, elle rentre au garage, il y a un petit clic-clic, là, qui se fait, là. Puis là, tu rentres au garage, puis il dit, hey, on peut pas te laisser sortir d'ici, toi, là. T'as un Tyrodon qui était avec de débarquer ta roue, puis t'as un top plate qui était en train de déchirer. Deux jours après, répare ça, c'était urgent. Et c'est la prudence, c'est de savoir observer, écouter une petite voix, écouter un senti, écouter n'importe quoi pour... Mais une personne qui a l'inexpérience va dire, bon, la route est tellement rough, c'est normal qu'il y ait du bruit. Puis là, ben, lui, il se ramasse dans le champ pas mal d'aplomb avec tout ce qui peut arriver comme situation de maganer. Moi, j'ai l'avantage d'être astrologue. Fait que je sais que j'ai des planètes qui sont très difficiles. Donc, conséquemment, quand j'ai des affaires qui sont pas habituelles, la prudence s'allume, j'observe. Puis automatiquement, dans mon champ d'observation, je me dis, non, je prendrai pas de chance. Je vais aller tout de suite. Chose que plus jeune, j'aurais dû boire. C'est pas grave. T'sais. Mais là, je prends pas de chance. Je sais que je suis en zone affectée. Puis tout le monde devrait apprendre un petit peu l'astrologie pour connaître les zones à danger dans leur vie. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y en a des solides. Puis ça vous donnerait un avantage là pour justement développer votre prudence. Sinon, il vous reste votre senti, votre intuition et vos perceptions, appelez ça perception de gens qui vous avertissent. T'sais, quand quelqu'un dit « Hey, je sais pas, ta roue est pas correcte là en avant » ou quoi que ce soit, dans ta vie affective ou dans ta vie sociale ou dans ta vie professionnelle, les gens peuvent des fois observer à votre place puis vous allumer cette prudence-là. T'sais. Puis si vous savez écouter puis vous êtes pas dans un rapport de force avec les gens, bien, cette prudence-là va s'allumer. Puis si vous avez de la profondeur parce que vous avez été rôdé aux obstacles puis à tout ce qui cherchait à vous détruire, bien là, à ce moment-là, vous allez avoir une capacité d'agir. Ça revient tout le temps à l'action. Parce que moi, je suis étonné de la vie, à quel point les gens sont observateurs. Ils écoutent la vie. Oui, mais tu fais quoi avec l'info? Ils font rien. Non, faire quelque chose, ça a l'air d'être pour une autre vie, ça. Là. Écoutez bien, là. La maturité, c'est de savoir et de faire. Une personne qui fait juste savoir et qui fait rien, c'est pas un être mature. Parce qu'il n'a pas compris que la vie, c'est concret. C'est réel. C'est de la réalité. C'est de la réalisation. Tu bâtis pas une compagnie avec des idées, tu bâtis ta compagnie avec des employés, des gens qui travaillent, des gens qui font des choses. Fait que si vous êtes toujours dans la suspension de votre action, c'est clair que vous n'aurez pas de maturité. Vous allez avoir de la sagesse. C'est quoi la différence? La sagesse, les gens savent. Ah, j'ai lu dans les journaux que Kadhafi, c'était dangereux, tu sais. La sagesse. Si tu vas en Libye, ça risque de péter là-bas, là, tu sais. Fait que c'est sage de pas y aller. Mais ça veut pas dire que c'est mature de t'organiser tout le temps avec du savoir. Il faut du savoir, mais il faut de l'action. La personne qui a de la profondeur, c'est une personne qui s'est mis les mains dans la pâte, qui s'est mis les pieds sur le terrain et puis qui a agi avec ce qu'elle vivait. Il y a des affaires, des fois, que pour le régler, faut faire plus qu'un téléphone. Faut se déplacer. Faut aller rencontrer des gens. Faut que les choses bougent. Et sachez que sagesse et maturité, c'est deux mondes très différents. Je rencontre souvent des êtres sages, mais j'en rencontre très peu qui sont matures. Parce que les sages, c'est pas nécessairement un gage de maturité. C'est pas des gens d'action, les sages. C'est des grands penseurs, des grands dépenseurs, des pensiers. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, on n'a pas toujours des occasions d'être en action. C'est pas vrai. Bien, souvent, vous faites des actions juste quand vous avez peur d'eux. Mais peur d'eux, c'est pas faire face, c'est réagir à. Quand on fait face, on est dans une action contre un obstacle. Quand on réagit, bien, l'obstacle nous a tellement rentré dedans qu'avant de mourir, on crie, on réagit, on crie, en souhaitant que quelqu'un vienne nous chercher puis nous prenne en charge. Quand vous êtes rendu là, vous êtes à moitié mort. Il n'y a plus de capacité de bouger à ce niveau-là. Fait que votre prudence, faut qu'elle soit pas simplement liée à de la sagesse. Faut qu'elle soit liée éventuellement à une capacité d'observer pour agir, toujours avec... Mais l'inexpérience peut vous placer dans une situation passive, on peut le comprendre. Mais fondamentalement, si vous êtes prudent, ne tombez pas dans une vague de passivité. C'est comme conduire une auto. Vous êtes en auto, vous conduisez, le char, il roule, puis il y a de la neige, c'est du verglas, ou c'est glissant, anyway. Puis là, on s'en vient vers l'hiver. Là. On est au mois d'octobre, là. L'hiver s'en vient, dans deux mois, on va avoir de la glace. Puis dans cette dynamique-là, on est prudent, mais on roule, là. On est en auto. Il y a des actions posées, là. C'est pas genre on lâche le volant puis on lâche le gaz, là. C'est pas ça le point, là. Il faut continuer à rouler puis avoir l'expérience de traiter avec un maximum d'observation, un maximum d'attention, puis de se placer dans une zone où l'obstacle peut nous détruire. Tu sais, quand tu te fais scraper ton char, là, puis qu'il fait frette dehors, puis que, bon, quand tu étais jeune, tu prenais ça, là, moins 10, moins 15, moins 20. Mais là, il fait moins 30, t'es un petit peu pète, t'as 60 ans, puis t'as pas le goût de les geler, là, tu sais. Fait que ça s'appelle, hey, wow, minute, là, faut que tu fonctionnes, là. C'est le temps, là. Fait que c'est sûr que de la maturité, c'est un principe d'action, la sagesse, c'est un principe de suspension par le fait de l'observation. L'observation qui peut être intelligente, je discute pas l'intelligence. J'en ai pompé de l'intelligence dans ma vie, c'est hallucinant. Mais ce que j'ai compris aussi de l'intelligence, c'est que si elle n'est pas dans un processus opérationnel, elle est non fonctionnelle. Faut tout perdre pour que ça fonctionne. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, avoir de la sagesse, la perception intelligente, du beau blabla, là, sans pouvoir vraiment aller le vérifier dans l'action. C'est pas ça qui va vous donner de la maturité. Puis en plus, c'est pas l'âge qui va vous donner de la maturité. L'âge peut très bien vous donner de la sagesse, mais peut très bien pas vous donner de la maturité, parce que la maturité, c'est vraiment une capacité d'agir, tandis que la sagesse, c'est une capacité d'observer et éventuellement de faire des liens, tu sais, faire des connexions. Je pense pas qu'une personne qui décode les rêves soit mature. Elle peut être sage, mais elle sera certainement pas mature parce que il y a pas grand chose dans le rêve à agir. C'est juste de l'observation. Bon. Si on suit dans cette optique-là, on arrive au fait que ça sert à quoi la maturité? Tu sais, dans la vie d'un égo, j'applique beaucoup sur l'affaire de l'égo, ce qu'on cherche, c'est le respect. Et puis, le respect, c'est pas quelque chose qui va... C'est pas pareil, le respect, comme la réputation. C'est différent. J'ai vu un gars aujourd'hui, je pense qu'il fait à peu près tous les planchers des maisons, des joueurs de hockey, puis des artistes du Québec. Là, la semaine prochaine, je m'en fais Bob Gainey, 5000 pieds de plancher, papa. Il dit, j'ai fait Carbonneau la semaine passée. Il dit, là, je suis dans le hockey de ce temps-là. Le gars, m'a dit honnêtement, il est tellement pas respectable, Palmer, oh, sac, tout le temps, c'est. Il est tellement pas respectable, mais il a une grosse réputation, OK, que je suis obligé de vérifier avec son chum si c'est vrai ce qu'il a dit. C'est fort, là. Fait que tu vois que tu peux avoir des gens qui sont très respectables puis qui n'ont pas de réputation, mais quand tu les rencontres, tu sens du respect. Tu as du respect pour ces personnes-là. Fait que c'est bien important de ne pas confondre respect et réputation. Il y a des gens, exemple, il y a des gens dans la mafia qui ont beaucoup, une grosse réputation, mais c'est des tueurs à gages. Pas sûr que ce soit respectable. À part dans la prison, là, il faut vraiment que tu les respectes. Mais ce que je veux faire comme nuance, c'est qu'il faut pas mêler respect avec réputation. Moi, même si j'aurais une réputation, je peux dire que ce qui m'importe le plus dans la vie, peu importe où ce que je peux aller, c'est d'être respecté. Mais je veux pas, parce que ma réputation ne sert pas partout. Tu sais, j'ai la réputation d'être un bon astrologue. Pour une personne qui ne croit pas à ça, ça ne sert pas à grand-chose. Que j'ai la réputation d'être un gars qui connaît bien à fond son matériel supramental, c'est quand je regarde la crowd, la population des gens qui sont là-dedans, mettons que je suis sur le bord de m'en foutre pas mal. C'est une gang de philosophes. Je parle pas de vous autres. Vous autres, vous êtes la crème de la crème, là. Mais disons que la plupart des gens que je vois en dehors de ça, c'est plus des philosophes que d'autres choses. Fait qu'inévitablement, une réputation là-dedans, j'en ai rien à cirer. Mais être respecté partout, ça, j'y tiens. Que quand quelqu'un, exemple, que je rencontre au Dunkin' Donuts, que je m'en vais parler avec, que je dégage du respect envers sa personne, ça, pour moi, c'est important. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'une personne qui a une réputation peut être écrasante de son milieu, très dominante, et une personne qui est respectée est souvent une personne qui respecte beaucoup. Moi, je m'organise pour respecter peu importe la classe sociale de gens. Je m'entends avec eux autres, tu sais. Je livrais de la bouffe de chien à un gars qui est sur le chômage de ce temps-là. Il dit, je peux-tu te payer la semaine prochaine? Il dit, pas de problème. Je te fais ça à moitié prix, c'est tout, puis tu me payeras quand tu pourras, là. That's it, tu sais. Fait que j'établis des liens de respect avec les personnes, puis je respecte aussi les limitations puis les obstacles qu'ils rencontrent. Vous me suivez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis dans la réputation d'un vendeur de quelque chose, je peux établir des règles, dire, ben écoute, tu fonctionnes pas comme... Tu viendras me revoir quand tu auras du cash, tu sais. Tu viendras me revoir, je te réserverai pas du stock, là, tant que tu me payeras pas. Ça, c'est fonctionner plus avec l'optique d'une réputation, tu sais. Réputation de faire les affaires en affaires comme tu fais des affaires comme normalement les affaires doivent se faire, tu sais. Tandis que quand tu bâtis des rapports de respect, il y a plus d'humanisme dedans comme tel. Bon. Moi, c'est ma règle que le respect prime sur la réputation. Il y a des gens qui préfèrent avoir une réputation parce que dans leur impression personnelle, ça rayonne plus. Ils ont l'impression que le nom voyage plus. Quand je parlais à mon gars de plancher, je sentais que lui, la réputation était plus importante que le respect. Tu sais. Je le regardais parler à son chum, je le regardais parler de sa femme, puis tu sais, un gars qui a 6 trucks de 70 000 piastres, il a fait de l'argent. Mais s'il n'est pas amenable dans un party, il risque de rester dans sa shop un maudit bout de temps. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais il va avoir une grosse réputation. Fait que le gars, il a une réputation, mais il n'est pas respectable, ça devient complexe un petit peu. Ce qui veut dire que quand vous avez de la maturité, ce que vous allez chercher en général, c'est le respect. Ça ne vous empêche pas d'avoir une réputation, mais la maturité, c'est collé au respect. C'est pas collé à l'image publique. Fait que tu peux dire à une personne qui a 80 ans, il a une grosse réputation, mais il n'est pas mature. Mais il est réputé. OK? Et puis, peu importe l'âge, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas l'âge qui vous donne de la maturité. C'est les actes que vous posez. Fait que, dans la maturité, quand vous avez l'acte de respect, vous avez habituellement un sens très aiguisé dans l'observation de avec qui vous traitez, pourquoi il est à ce langage-là. Et puis, vous êtes capable d'avoir une, une force pour soulever l'autre qui se diminue. Parce que souvent, quand vous traitez avec des gens qui se sentent petits, il vous faut la force de ne pas vous écraser pour l'autre, mais de rester élevé et d'élever l'autre. Parce qu'il y en a, j'y regarde, là, tu sais, quand ils rencontrent du petit monde, ils en deviennent ridicules à s'abaisser, puis s'abaisser, puis s'abaisser. Ils sont tellement à genoux qu'ils sont plus capables de se relever. Puis l'autre, ben l'autre en profite parce que l'autre, s'il est petit, il est petit pour une raison, bien souvent, c'est parce qu'il est épais, là. Tu sais, puis s'il est épais, ça veut dire qu'il agit mal, il est pas synchro, c'est un attardé, bien souvent, puis ces choses-là. Fait que faut que tu restes grand, puis t'élèves l'autre. Mais dans la mesure qu'il s'élève, comme tu veux. Fait que il y a bien des gens qui font des erreurs de vouloir se restreindre, puis se limiter, puis se limiter. À un moment donné, c'est plus du respect, là. Là, ça devient, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, là, mais ça devient une espèce de théâtre de « on est égal », mais c'est pas vrai, tout le monde n'est pas égal. Il y a des gens qui sont un petit peu plus égaux que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont moins égaux, tu sais, moins égaux dans le sens qu'ils sont plus restreints dans leur façon d'agir ou de façon de fonctionner. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes chats, mais je me diminue pas au stage de manger à terre. Hein? Clair et net. Mais j'ai beaucoup de respect pour l'animal. Je le frappe pas inutilement, je le frappe là, réellement quand il est sauvage, qu'il n'y a pas d'allure. Mais c'est une position que j'ai que si je me dis, si je suis capable de respecter les animaux, je suis capable de respecter les êtres humains, puis je suis capable de respecter n'importe quel registre de réputation, indépendamment justement de la maturité que la personne peut avoir. Fait que ça devient comme une ligne de conduite, être respectueux, et ça devient aussi une attente sous-jacente dans ta vie d'être respecté. Et quand tu veux être respecté, tu ne supportes pas d'être pas respecté. En ce sens que si quelqu'un ne te respecte pas, ben tu claires la place, tu changes de place, tu déménages. Tu restes pas dans un environnement qui est excessivement dominant. Parce qu'une des caractéristiques du respect, c'est justement de ne pas se faire dominer et de ne pas chercher à dominer. Il n'y a pas d'intention de dominer, mais il peut avoir de l'autorité. Parce que du respect, souvent, tu l'atteins parce que tu as une autorité. Parce que tu as de l'autorité, ça peut te faire une réputation et ça peut te permettre d'avoir du respect. Mais des fois, la réputation ne se fait pas parce que tu n'es pas dans une ligne, comme moi dans mon domaine, je n'ai pas une ligne pour avoir une réputation au large. C'est trop restreint de la conscience supramentale. On s'entend, c'est déjà plus facile quand tu es astrologue. Puis encore là, qu'astrologue, tu passes pour un clown le moindrement que tu t'en vas dans des classes professionnelles. Quand je parlais avec le maire de Saint-Calix, on va dire l'astrologie, c'était pas à clé, hein. Mais dire j'ai des contacts, ah, ça passait mieux, parce que dire j'ai des contacts pour vendre tes terrains, c'était plus facile de dire j'ai un de mes amis, André Bonneville, c'est un ami, il est président de Bonneville. Si tu as besoin de développer tes terrains, je peux y en parler. Ça passe bien. Mais il dit, tu es sur le signe du Verseau, et puis, ça passe moins bien. Vous comprenez? Fait que tu peux avoir une réputation dans un domaine qui peut quasiment te nuire si tu veux te faire respecter. Fait que le respect, c'est de traiter avec le langage de l'autre. Il faut que vous soyez capable de traiter avec plusieurs langages. Et ça, les langages, comme je vous dis, ça dépend toujours des milieux dans lesquels vous êtes. Fait que je vais être avec le maire, je vais lui parler d'une certaine façon, puis quand je suis avec mon gars qui me répare mon auto, lui, il me sauve la vie littéralement en changeant mes pièces. Puis comme j'ai pas ben d'argent, mais quand lui me sauve 400 pièces par rapport à un autre garage, j'apprécie énormément. Fait que le gars me répare mes affaires, j'ai pas respect, ben je suis un petit peu dans son langage, tu sais. On va sacrer ensemble, puis... Ça le sécurise, parce que si je sac pas pendant que lui, il m'en a tiré une ligne de calice de tabarnak, sacrament, Christ que c'est tough, puis que je dis pas un petit calice, mais là, il va dire, lui, il fait le pincer, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'il faut comme jouer avec les mots, jouer avec les ambiances, puis pas traiter avec un excès de bigotisme. Parce que si je dirais ça, t'es bigot un peu. Il dirait quoi? Bigot, bingo, c'est le bingo tu parles? Non. Fait qu'il comprend pas ce langage-là. Faut que ça aille sur des registres qu'il comprenne. Bon, ben c'est ça que je veux dire. Fait que le respect, c'est comme une dynamique où tu as une bonne étude de ton milieu puis de comment ça fonctionne puis comment ça brasse. Puis là, à partir de là, t'as pas de tension. L'autre point qui peut être intéressant aussi en dehors du respect, c'est qu'une personne mature est capable de s'adapter. Ça a l'air niaiseux, là, mais vous allez voir que, exemple, une personne qui a une réputation, pour sa réputation, peut être extrêmement rigide. Parce qu'il faut dire, la vie, il faut que ça se passe de même, parce que moi, je représente ça. Fait que parce que je suis ça, je ne m'adapte pas. Les gens doivent s'adapter à moi. Quand tu es dans le respect, c'est comme une gymnastique normale de s'adapter. Fait que s'adapter, c'est un grand, grand, grand signe de maturité. Tu es capable, selon le pays, selon l'environnement, selon le milieu, de toujours pouvoir poser. Parce qu'adapter, pour moi, ça s'appelle agir. Avec un environnement, agir dans de la différence. Il y a des éléments qui sont différents dans ta vie, différents à ta façon de vivre, différents dans ton mode d'opération. Moi, je vous dire une chose, c'est que mon chum, il me dit, si tu caches pas les choses, les gens te payeront pas. Tu sais ce que je veux dire? Il dit, tu dis pas. Il dit, quand on va aller voir le maire, puis qu'on va travailler avec lui pour les discussions qui tournent autour de placement de personnel, faut pas que tu indiques avec quelle boîte on va travailler. Il peut très bien prendre le téléphone le lundi puis téléphoner directement à cette boîte-là, puis toi, fuck all ta commission. Ah oui, ça marche de même dans la vie. Oui, ça marche de même dans la vie. Tout ce qui peut être fait pour sauver de l'argent, le monde le font. Ah, OK, correct. Je me suis adapté instantanément. Pas dire un mot. Je comprenais ça. La différence entre 200 000 puis rien pantout, là, c'était de fermer sa gueule. C'est drôle, j'ai compris ça rien d'un coup. C'est clair, hein? Ça fait que s'adapter quand t'es mature, ça peut être facile. Mais s'adapter quand t'es dans une affaire de réputation de moi, je suis droite dans la vie, je dis la vérité, papa, là, ta réputation peut te mettre dans la merde. Là, c'est un manque de maturité. Tout simplement. Ça fait que une personne qui est trop rigide, c'est généralement une personne un petit peu infantilisée. Elle a un caractère trop sur des arguments, sur des éléments straight. Puis c'est pas un être qui est capable de protéger sa vie même à certains cas, qui est pas capable de protéger ses intérêts ou son équilibre personnel. Fait que moi, quand j'entre dans un milieu que je connais pas, je regarde, j'observe. Je fais des erreurs, c'est évident. On me corrige, puis je m'adapte. Ça, pour moi, c'est de la maturité. C'est bien beau le respect, là. Mais tu sais, le respect, ça ne veut pas dire d'être vrai tout le temps. Ça peut être vrai de temps en temps. Et puis donner la finale. Quand tu as ramassé le 200 000, ben là, tu dis, tu savais, là, telle compagnie, c'était eux autres. Ben, tu sais, là, je travaille avec. Bon, tu vois, hein? Ça faisait pas mal là, de nous payer un intérêt, de nous payer une commission. Ça en fait encore beaucoup, tu sais. Fait que. Puis si tu veux qu'on en fasse d'autres, ben, il faut que tu sois généreux avec nous autres. L'autre, il y en a, les gens qui sont pas matures ne comprennent pas ça, que travailler à long terme, c'est encore plus payant que de sauver, tu sais, tu te sauves 200 000, mais tu perds 600 000 plus loin parce que tu n'as pas été généreux. Fait que, tu sais, si je suis capable de t'en faire une, je suis capable de t'en faire 10, moi, là. Fait que, tout ça, agir dans des différences, c'est ce qui permet à un individu de s'adapter. Et sa puissance d'adaptation va lui permettre de notifier sa maturité. Ils vont dire, le gars, il nous a rien caché, mais il est mature. Tu sais, ou ils vont dire, il a de l'expérience. Ou ils vont dire, ouais, il est wise. Tu sais, il est intelligent dans son mode d'opération. Fait que ça, c'est la puissance d'adaptation, ça va avec la maturité. Puis quand c'est rigide, si vous êtes à un moment donné rigide, c'est que là, à ce moment-là, vous en manquez. Vous avez peut-être de la sagesse, mais vous n'êtes pas mature. Parce que la sagesse, c'est un savoir-faire, mais ça peut ne pas être capable d'agir parce que c'est pas mature. Donc, qu'est-ce qui donne à l'individu une capacité de s'adapter? C'est la perte dans la vie. Quand tu as perdu beaucoup dans la vie, parce que justement, tu étais quand même rigide, inexpérimenté, mais principalement rigide, ces pertes-là te font voir des choses qui, éventuellement, te fait comprendre que ta ligne de conduite ou ta ligne de pensée, elle est bonne pour une personne, toi, et quelques personnes qui t'acceptent tel que t'es et qui bénéficient de ce que tu rapportes ou de ce que t'es, eux autres. Donc, personne rigide, ça convient bien avec une ou deux ou trois personnes. Mais étant pas capable de s'adapter, ben ça a pas un gros social, ces gens-là. Automatiquement, le manque d'adaptation lui forge un très fort égocentrisme en vieillissant. Et on regarde ces gens-là vieillir, ils vieillissent tout seuls. C'est pas des gens sociables. Ben, « Moi, la société, moi, c'est une gang de casse-pieds. » Ben oui, c'est sûr. Il y a juste toute faim sur la planète. Je m'excuse de t'avoir regardé. C'est pour avoir dérangé ton éther. Et moi, qu'est-ce que tu veux, je vis à terre. Dans le sens que je suis en contact avec bien du monde. Et puis, j'aime mieux m'adapter que d'être pris à me forger à un isolement inévitable. Et puis, cette rigidité-là, ben, c'est ce que ça crée chez les gens. Ça crée un isolement. Tandis que l'autre qui s'adapte, ben, lui, il est invité dans toutes sortes de parties, il est invité dans toutes sortes d'occasions de se développer, finalement, parce que développer égale relation avec les autres. Fait que tu peux pas t'adapter, les autres veulent pas te voir, hein, c'est évident, parce que tu t'adaptes pas, que t'es toujours un strange, un étranger, t'es toujours comme le gars qui est pas pareil comme, puis tu sais, bien souvent, quand les gens se réunissent pour relaxer, ils veulent avoir du pareil comme, tu sais. Je regarde mon chum qui m'a réparé mon auto, je l'ai amené au centre de tir, le pionnier, en même temps que je faisais une compétition. Il s'est pas adapté à mon groupe, il est resté à l'extérieur, puis il m'a boudé 15 minutes dans le char en revenant parce que je m'étais pas occupé de lui. Je disais, hey, le gros, là, je te l'avais dit avant de partir que j'avais pas le temps de m'occuper de toi aujourd'hui. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de problème, tu étais capable d'occuper de toi tout seul. Ou bien tu es jaloux, ou bien tu aurais pu te mêler au groupe. Tu sais? Ouais, mais vous aviez de l'air d'avoir du fun, je ne veux pas vous déranger. Peut-être qu'on aurait eu du fun avec toi. Tu sais? Pas capable de s'adapter, rigide. Si ça ne parle pas son langage, parce qu'il voyait que le monde n'avait pas le même langage que lui, là. Ah, tout de suite, tu sais, s'il peut pas dire « crise de tabarnak », il n'est pas heureux, mais là, je comprends, là, tu peux pas t'adapter à grand monde. Tu as juste à pas dire ça. Tu parler comme tu me parles, des fois, là, puis ça ne sacque pas ton histoire. Fait que manque d'adaptation, isolement, toujours le même groupe de monde. Toujours la même gang. Tout le temps. Pas de place, sa femme, là-dedans. Moi, je la connais, sa femme. Sa femme, elle affiterait dans notre groupe. Et pas capable. Il faut toujours qu'il domine l'ambiance tout le temps, tout le temps. Comprenez-vous? Fait que rigide égale extermination de la maturité. Adaptation dit capable d'engranger de la maturité. Très jeune, tu vas prendre quelqu'un. Moi, je regarde mon gars qui a 30 ans. Très mature. Très mature. Pourquoi? Grande flexibilité, grande puissance d'adaptation. Ça y empêche pas d'être intelligent. Ça y empêche pas d'avoir... de se bâtir des réputations à répétition. Non, il est capable de s'adapter, puis il fit dans pas mal tous les milieux. Pas de trouble avec ça. Donc, savoir s'adapter, c'est une des grandes clés de la maturité. À suivre. Avez-vous des questions? Il y a une différence que tu fais entre l'adaptation et l'autorité. Ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a pas aucun rapport. Et que la personne, c'est toujours intéressant par son environnement. Ouais, mais ça veut pas, il y a aucun lien avec l'affaire de l'autorité. Pour pouvoir s'adapter, il faut avoir la force de soi-même. Parce que sans ça, c'est plus de l'adaptation, là. C'est se mouler à l'autre. Mouler à l'autre, ça veut dire que tu prends toutes ses valeurs, tu prends tout son mode de fonctionnement. C'est un peu comme dans le temps, les femmes avec les hommes. Tu sais, dans les années 1900, là, la femme n'avait pas le droit d'être. Il fallait qu'elle soit le timbre poste de la lettre de son mari, là, tu sais. Fait que ça, c'est du moulage, tu te moules à, c'est pas de l'adaptation. Une personne qui s'adapte, elle a déjà du corps, elle a déjà une force personnelle. C'est juste qu'elle est capable d'assembler son personnage plutôt que de se marier au personnage. Moi, je me marie pas à personne. C'est comme un mouvement d'accompagnement. J'accompagne une situation. Mais pour moi, c'est toujours temporaire. C'est une convenance que je fais. C'est un privilège que j'offre dans certains cas. Parce qu'il y a des situations, pour m'adapter, que ça demande beaucoup d'efforts, parce que c'est vraiment pas... ça sonne pas ma vie, ça, là. Ça résonne pas ma vie. Mais je suis capable de composer, de créer un accompagnement. Je fais du théâtre. Je fais du théâtre, mais je perds pas d'autorité. Je peux m'effacer temporairement, mais je reste tout le temps comme un jack in the box. À un moment donné, la personne va parler grosse voix, Là, je vais arriver avec, parce que j'ai pas une grosse voix, moi, j'ai pas du gros coffre, là, à la Ferland, là. Fait que, à un moment donné, je vais lâcher une petite phrase bien sec, là, ça va passer comme une lame de couteau. Zoum! Ça va couper la situation, ça va trancher. L'autre est souvent comme ébranlé parce qu'il se pensait en pleine autorité, dans une dominance totale. Puis je viens d'y remettre le baquet égal à lui, là, tu sais, à elle, peu importe. Mais c'est pas parce que je m'adapte que je me laisse dominer. Comment ça, je veux dire? Pour moi, s'adapter, c'est pas se faire dominer. Se faire dominer, c'est se marier à l'autre. Puis l'autre, évidemment, il cherche à avoir la partie dominante, la partie mâle, la partie qui écrase. Moi, j'ai pas le goût de vivre ça avec les gens. Fait que des fois, je les laisse aller, puis c'est comme si je regardais un spectacle, puis à un moment donné, je place ma phrase, je place l'idée, ou je pose un acte, littéralement. Il n'y a rien de plus dur pour quelqu'un qui domine que de te lever avant lui. Tu es au restaurant, là, puis lui, il est dominant, là. Puis là, tu te lèves, là, puis tu donnes l'impression que tu t'en vas, tu prends ton côte, tu remets ton côte sur la chose, tu dis, ouais, c'est vrai, fou, j'ai aux toilettes. Ben, il dit, pourquoi tu prends ton côte? Ben, c'est parce que je sais pas, des toilettes, des fois, c'est fret. Tu sais, c'est comme, si tu t'es calice d'affaires que j'aille chier, man. Tu comprends-tu? Ouais. C'est comme, on fait nos règlements de compte sur des ambiances banales, plutôt que sur un contrat d'affaires, mettons. Fait que là, j'y vais, je reviens, puis c'est... Ah, fais-y bien. Ben, vas-y, qu'est-ce que tu disais? Tu sais? Fait que là, mettre l'autre comme dans une ambiance de théâtre. Tu sais, tu fais ton show. C'est pas plus important qu'un spectacle. Tu sais? Comment tu veux dire? Ça, c'est s'adapter. Tu dis à l'autre, OK, tu joues un personnage, mais je suis pas dupe, là, tu sais, de ton personnage. Ça me domine pas, ton personnage. Mais c'est intéressant. Continue. Tu sais? Tu composes, c'est un accompagnement que tu fais, mais t'es pas propriété de. C'est bon, cette question-là. Parce qu'il y a bien du monde qui s'adapte pas parce qu'ils veulent justement pas se faire dominer. Puis ils ont l'impression que quand ils s'adaptent, qu'ils se font dominer. Puis c'est pas vrai. Tu te fais pas dominer quand tu t'adaptes. C'est quand tu te maries, tu peux te faire dominer. Parce que tu peux prendre une position servile. Puis. Mais est-ce que tu peux t'adapter juste dans genre, mettons que tu t'adaptes dans une occasion que tu laisses faire tout le temps ce que l'autre est dominant, puis tu le laisses faire tout le temps? Non, ça, c'est pas s'adapter, ça, c'est se marier. Oh, oui. Non, tu es autonome dans ton processus. Une personne qui s'adapte, c'est une personne qui est autonome, elle a de la maturité. Mature égale voix claire, tu vois clair. Mais voix claire, si tu es sage, tu fais juste voir. Tu peux avoir la sagesse de voir, mais l'incapacité d'agir. C'est pour ça que je dis, faites attention, maturité et sagesse, il y a une différence. L'être mature est un être d'action individualisé à l'extrême. Il n'est pas manipulable ni par le couple, ni par les propriétaires de quelque chose ou les patrons, je cherchais le mot. Il n'est pas manipulable. Il dit, écoute, je viens chercher ma paye. Tu sais, moi, mettons que je suis employé dans une situation. Je dis, tu fais ma job, là? Paye! Fuck all! Paye, man! Tu sais? C'est ça où je calisse mon camp puis t'auras plus les avantages que je t'ai donnés. Comprends-tu? Mais je suis capable de tenir mon bout. Je suis capable de calisser mon camp. Vous autres, quand vous êtes mariés, vous êtes mou. Mou. L'autre est capable de vous tenir votre survie, là, puis de vous garder les pieds, la tête au plancher, puis peser dessus, puis dire, « Pis, ça fait-tu mal? » Puis là, tu cries plutôt que mourir. C'est dangereux, ça, là. Dangereux. Vous n'êtes pas capable de frapper. L'être mature, c'est un individu qui se bat pour lui-même. Il s'écrase jamais absolument. Jamais. Un obstacle, là, quand ça te rentre dans le cadran, ça te détruit, là. Faut que l'obstacle soit en périphérie. Faut pas qu'il soit dans toi. Être malade, là, c'est avoir laissé rentrer la maladie. Puis sais-tu comment elle rentre, la maladie? Par la croyance d'avoir la maladie. Tu sais, il y en a un, il dit, on va te vendre une patch, c'est bon contre la grippe. Il dit, moi, la grippe, j'ai l'ultime patch. La patch que tu n'as pas besoin de patch. C'est quoi? J'y crois pas que je vais être malade. J'y crois pas. Quand je la sens venir, je dis, fuck all, sors d'ici, toi, là, là. Mais si je suis trop affaibli par des obstacles, puis que là, à un moment donné, je dis, je suis plus capable de me défendre contre l'idée d'être malade, là, je suis en danger, là. Mais est-ce qu'on peut pas voir, OK, je comprends ce que tu dis, là, mais est-ce qu'on peut pas voir la maladie comme un break dans ta vie? C'est un nettoyage. Plutôt que dormir, on devrait être malade, hein, c'est ça que tu es en train de me dire? Je te pose la question. Je te réponds. On devrait être malade plutôt que dormir. Conclusion. Oui. Écraser, accepter l'idée d'être malade, vous allez être malade. Mais je ne suis pas d'accord avec ton idée, Pantou. C'est quoi le mécanisme du manque d'adaptation? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu manques d'adaptation? Parce que tu n'as pas de force. Quand tu ne peux pas t'adapter, ta peur principale, c'est d'être absorbé. Là, ce n'est plus de l'adaptation. Il y a un environnement qui te peut... C'est ça. Quand tu es pris en charge, tu ne peux pas t'adapter. Puis, c'est quoi le facteur rigidité là-dedans? C'est quoi quelqu'un rigide protège? Il a peur. Quand tu es rigide, c'est parce que tu as peur. Quand est-ce que tu deviens rigide? Regarde un animal là, qui a à se battre, il vient tout tendu. J'ai un de mes chats chez nous, quand tu le flattes, là, c'est juste du muscle dur. Mais c'est le plus peureux du lot, mais c'est le meilleur batailleur. Il a tellement peur qu'il attaque pour ne pas être attaqué. Il est toujours raide, ce chat-là, tout le temps. Il est pissou. Hallucinant. Mais dès qu'il y a un chat là, de l'extérieur qui se présente sur le terrain, c'est le premier qui va le sortir parce que c'est le premier qui a le plus peur d'avoir un étranger dans le décor. Comique, hein? Mais il est raide. Il n'est pas capable de s'adapter à autre chose que ce qui est venu au monde dans la maison. Comme c'est le plus vieux, bien, il est correct parce qu'il est reconnu comme étant le patriarche de la maison. Est-ce que tu peux développer le côté capacité s'adapter et la prise en charge? Les gens qui cherchent la prise en charge, c'est des gens qui ne s'adaptent pas. C'est des gens qui sont complètement englobés. Ah, okay. Ils sont englobés, ils se marient eux autres. C'est du mariage qu'ils font. Là. Ils se marient à un environnement. Ça, c'est extrêmement lourd pour la personne qui a les prendre parce que eux autres vont avoir des lignes de pensée, des lignes de conduite qui vont toujours être faibles. Tu sais, ça va toujours tu sais. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Là. Tandis qu'une personne qui s'adapte, c'est une personne qui reste en autorité. Là. Elle a une force pour pouvoir... il faut beaucoup de force pour s'adapter. Quand tu n'as pas de force, tu ne peux pas t'adapter, tu te fais englober. Il faut beaucoup de puissance pour être capable de... Tu sais, il n'y a pas de... Moi, je m'en vais dans une conversation, je ne dirai pas oui à quelque chose que je vais dire non. Je vais écouter, je ne dis pas un mot. Puis, si la personne dit « qu'est-ce que tu en penses » ou « t'es-tu d'accord avec ça », je vais dire « pas vraiment d'accord, je nuancerais ton information en disant que je vois ça comme ça ». Ouais, ben il dit « comme ça, c'est pas comme je le vois ». Ouais, mais tu me demandes « je le vois pas comme toi, là, je le vois comme ça ». Mais ça m'empêcherait pas de composer un petit peu avec ça, mais ça, pas à 100%, peut-être à 15%, 20%, tu sais. Je casse pas, là. Je le place pas dans une situation d'absolutisme. Parce que s'adapter, c'est pas l'autre qui est absolu, puis toi, t'es rien pantoute. Tandis qu'un autre individu qui se fait prendre en charge, il donne à l'autre la lecture de son absolu comme étant la façon de vivre. Tu sais, son chum, il l'emmène au Mexique, puis ça devient l'absolu du mode de vie. Madame, elle décide que non, 6 mois par année, c'est assez. Il s'adapte pas. Fait que ça veut dire qu'il l'englobait, puis qu'il vivait la vie en termes de « je l'englobe, donc c'est moi qui décide ». Fait que c'est ça. Mais si elle joue la carte de la prise en charge, ben elle joue son jeu. Tu sais, c'est automatique. Il n'y a plus d'adaptation de l'autre. Fait que l'autre ne s'adapte pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? Là, c'est le divorce. Automatique. Très dangereux, la prise en charge. Dans la capacité de s'adapter, est-ce qu'il y a un rapport avec la mobilité mentale? Ça ne veut rien dire pour moi, ça, mobilité mentale. Ben, mobilité mentale. Il faudrait que ça soit défini là, comme étant quoi, là? Une capacité de jouer avec des idées? La capacité de s'adapter dans l'action. L'action, ça ne demande pas de mobilité mentale. Ça demande de reconnaître dans ta survie qu'est-ce qui te permet de continuer, de fonctionner. Tu n'as pas besoin d'être intelligent pour survivre. Il faut être l'instinct. Un instinct de survie, c'est animal, ça, là. Ça ne demande pas d'avoir des idées. Tu n'as pas besoin de prendre des cours à l'université pour survivre. Je vis dans un environnement avec le monde, je pense que le maximum, c'est la 12e année. Ça va finir une chaîne de ça, là. Tu te fais quoi avec ta chaîne de ça? Alors, je me coupe 10 cordes de bois cet hiver. Ça ne me coûterait rien. Non, ils payent ça les 15 piastres d'hydro par année. Ça attaque. C'est pas le chauffage qui le magane, hein? La capacité s'adapter, ça a-tu rapport à l'âme ou à l'esprit? Capacité de s'adapter, il y a un facteur d'âme qui est important. Un facteur d'âme dans le sens que pour s'adapter, il faut que tu traites beaucoup avec l'âme. Mais ça prend un esprit qui pilote l'événement. Dans le sens de ce que moi j'appelle avec vous autres, là, quand on fait nos consultants, là, je vous dis tout le temps, je vous apprends à lire. Il faut que tu saches lire. Mais tu es bien plongé dans l'âme. C'est beaucoup de relations d'âme. Moi, je me mêle beaucoup à l'âme quand j'ai à m'adapter. Beaucoup. Parce que je traite pas avec l'esprit de l'autre. Je traite avec ses actions, ses mouvements, ses croyances, ses sentiments, ses émotions, tout ça. Ça va peut-être me solliciter d'avoir une larme quand il va me parler quelque chose. C'est de l'âme, là, tu sais. Je suis obligé d'aller chercher de l'âme en moi pour pouvoir m'adapter à l'événement. C'est pas toujours une personne, là. Ça peut être plusieurs personnes. Plusieurs personnes, ça fait un événement collectif. Enfin, il faut que tu composes avec une collectivité là-dedans. Quand tu es avec une gang de chasseurs, puis que tu dis que tu fais du tir sur du papier, tu as de la guidoune, puis minoune, puis tout ce que tu peux imaginer. Mais quand tu dis que tu tires les 25 cents à 200 verges, ah, là, tout d'un coup, là, c'est ouais, veux-tu nous faire la preuve de ça? Pas de problème. Venez tirer dans le papier. Au centre de tir pionnier, puis je vais vous le montrer. Parce qu'eux autres, c'est toujours lu en thème d'être-tu capable d'abattre ton orignal. Je dis, écoutez, avec la surface qu'il y a, c'est facile, tu sais, je vous dis, on a à peu près 3 pieds à tirer pour pouvoir le descendre, là. Les balles ouvrent là-dedans, ça s'étend, ça rentre à un quart de pouce là, ici, puis de l'autre bord, ça sort à 3 pouces. C'est dur de manquer son coup, là. Eux autres, c'est toujours une lecture de l'animal va-tu tomber, tandis que moi, c'est le point d'entrée de la balle, c'est le petit quart de pouce, là. Tu sais, c'est juste ça que je regarde, moi, là. Fait que, pour eux autres, c'est des lectures différentes. Fait que, si t'es dans un environnement, puis que ça parle de chasse, puis ça parle de carabine, puis ci, puis ça, je peux avoir mon autorité comme tireur de précision, mais j'ai pas d'autorité comme le gars qui a ouvert un orignal, qui l'a pendu, puis qui l'a tanné, puis tu sais, papa, je l'ai pas, ça. Mais t'es obligé d'avoir un langage qui suit ça, qui écoute ça. Fait que t'es dans l'âme. Mais ça demande beaucoup d'esprit, savoir lire ou intervenir, ou dire la bonne phrase pour être remarqué. Tu sais? Tantôt, tu disais que la capacité de s'adapter, c'était comme opposé aux peurs, finalement. Quand tu as des peurs, comment tu règles ça, les peurs? Quand tu as peur, tu rigidifies, tu deviens rigide. Parce que peur égale se serrer, crisper. C'est toujours égal à quelque chose qui n'est pas lousse. C'est toujours un comportement restrictif, la peur. Ça t'emmène à quelque chose qui n'est pas mobile, qui manque de mouvement. Et est-ce qu'il faut affronter ses peurs? Bien, si tu veux être mature dans la vie, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu restes figé. Ça, c'est sûr. Puis quand tu as peur, tu figes. Fait que automatiquement, pas affronter ses peurs, ça, je parle pas de courir après, là. Je parle de quand ça arrive, tu t'es placé devant, faut que tu y fasses face. Moi, il venait pour éclairer mes chats. Là, j'ai été à l'hôtel de ville, je parle au gars, j'ai dit... Les gens qui vont faire la plainte, ils ont-ils fait la plainte sur ma personne ou s'ils ont fait la plainte sur... Ils ont vu des chats dans le chemin. Il a dit, bonne question. Ça m'arrive, ça, de poser des bonnes questions, monsieur. Ben, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de chats. Il dit, inévitablement, ça ne veut pas dire que c'est les miens. Il dit, on a envoyé un inspecteur, puis il a vu qu'il y en avait beaucoup chez vous. Est-ce que beaucoup chez nous, c'est tous mes chats? Ou c'est les mêmes chats que vous avez vus dans la rue? Oui, mais ils sont tous à la même place. Mais j'en nourris beaucoup, mais ça ne veut pas dire que c'est les miens. Mais est-ce que vous, monsieur, vous en avez beaucoup? Je dis, oui, j'en ai beaucoup. Mais j'ai peut-être pas le beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous avez vu. Il y a peut-être que si je garde tous mes chats dans la maison 2 semaines de temps, vous allez en voir moins, mais vous allez en voir encore. J'ai dit, si on n'a pas fait une attaque à ma personne, pourquoi moi je paierais pour tout le monde à Saint-Colomban? Ah, un problème. J'ai dit, m'a faire une affaire. J'ai dit, pendant les prochains 6 mois, je vais garder mes chats, puis je vais en sortir. J'ai le droit d'en sortir 2. Je vais en sortir 2 à la fois. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez nous, hein? Là, quand je suis sorti, je sentais que j'avais réglé mon problème. C'est bon, hein? Ça, c'est s'adapter. C'est pas passif. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça, ça s'appelle faire face aux peurs, parce que moi, je n'ai pas grave vivre avec 2 chats. Là. Pas assez. Tu sais, si vous voulez avoir une mesure, là, considérez que si vous voulez être respecté, respectez-vous. Vous ne pouvez pas être respecté par les autres si vous n'avez pas de respect pour vous-même. Le respect de soi-même, c'est ce qui va vous permettre de respecter votre environnement. Moi, je me respecte parce que ma base, moi, là, c'est de ne jamais reculer devant un obstacle. Je peux reculer parce que c'est intelligent de reculer, là, mais je recule pas. Là. C'est stratégique, mon recul. Là. C'est comme quand tu fais du judo. Des fois, pour pouvoir faire basculer un gars, où tu prends une position de retrait. Là, tu sais. Ça doit être un plan de vie, ça, d'être capable de faire face aux obstacles. Est-ce que tu as des réponses dans le temps? Nous autres, on n'a pas nécessairement des réponses. Ben, vous avez des... Si vous n'avez pas de réponse, vous avez des événements. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il y a des événements dans la vie. Si tu n'as pas de réponse, tu as des événements. Okay. La vie te parle à deux façons. La vie va te parler de deux façons. Elle va te parler communication intérieure ou pulsion intérieure, parce qu'il y en a que ça ne parle pas, mais ça pulse. Puis là, ils agissent à la pulsion. Puis il y en a d'autres que c'est les événements qui les informent. Tu sais que, exemple, moi là, mon auto a commencé à craquer de partout. C'est pas t'as pas d'argent pour le faire réparer. Ça parle, ça là. Ça parle. Il y a du langage là-dedans. Force tout le cul, trouve du financement. Tu sais, c'est ça. Ça parle. Il y a un langage là-dedans, là. Es-tu capable de le voir que ça parle? Ben, il y a juste ça à comprendre. Quand tu as des événements et que ça te parle, t'allumes. C'est simple de même. Il n'y a pas besoin, de parler aux extraterrestres pour ça. Là. Il faut ça. Puis il faut ça. Puis il ne faut pas ça. Moi, ça s'arrête là. Plus, moins. Plus, ça veut dire il faut ça. Puis moins, c'est il ne faut pas ça. Souvent, les gens, pensent qu'ils parlent leurs problèmes entre eux autres. Ben oui, peut-être que c'est une façon de s'éclairer. Ah. Ils se parlent ça pour avoir comme une amorce de réponse ou demander à l'autre ce que tu en penses. T'sais, moi, j'écoute parler bien du monde, de l'UVI, puis bien souvent, premièrement, ça les ventile, ça les élimine une tension parce qu'il y a quelqu'un qui les écoute. Y a-t-il quelque chose de plus chiant que de parler à quelqu'un qui ne t'écoute pas? Tu sais, il parle un heure de temps, puis il regarde ailleurs, puis tu sais, il s'en calisse de ton problème. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui t'écoute, puis qu'il est capable de te donner son avis sur quelque chose, ça vaut de l'or, ça. Ben, ça vaut de l'or pour celui qui est capable d'écouter. Moi, je sais bien que j'écoute. Quand quelqu'un, je parle d'une affaire, j'attends son feedback, puis qu'il m'en donne un, je regarde. Ça veut pas dire que j'accepte ce qu'il dit. Ça veut dire que je regarde. Il y a quelque chose à regarder. En général, quand je parle d'une affaire que je vis à quelqu'un, c'est parce que je sais qu'il est capable de m'emmener quelque chose d'intelligent. J'ai l'escané, puis j'ai vu que, bon, il y avait de temps en temps quelque chose de brillant qui sortait de ça. Mais lui, s'il reconnaît, toi, tu reconnais son intelligence, mais lui, est-ce qu'il reconnaît la tienne? C'est pas mon problème. Moi, je suis avec les autres pour moi. Je suis pas avec les autres pour eux autres. C'est pour eux autres s'ils sont capables de m'utiliser. Moi, les gens, s'ils ne m'utilisent pas, c'est pas mon problème. Tu sais, je vais prendre une fille comme Claire, elle me surutilise, mais pour bien d'autres qui me sous-utilisent, ça fait juste balancer. Fait que vous sous-utilisez votre environnement. Vous n'allez pas chercher chez les autres ce qu'il vous faut pour fonctionner. Ça, vous dites, vous avez une petite vie. Mais c'est sûr, vous avez une petite vie. Vous vivez petitement dans votre tête. Vous avez la vie de votre cerveau. Face à une personne que tu échanges, mais qui, elle, est dominante, mais toi, tu essaies d'avoir un échange pour... Elle ne t'échange pas avec quelqu'un qui veut te dominer. OK, t'as raison. Alors, tu t'adaptes. T'adaptes. Selon le besoin, parce que moi, personne qui est dominante, si j'ai pas trouvé mon intérêt, je me lève puis je m'en vais. Là. Ton intérêt, c'est juste t'appelles. Moi, c'est toujours juste mon bien-être. OK. Puis les gens qui sont autour de moi, qui ont la chance de m'avoir, moi, je figure que c'est un privilège pour les gens. Fait que les gens qui ont la chance de m'avoir, ben ils peuvent avoir le rayonnement que j'ai, l'énergie que j'ai, tout ça, là, c'est à eux autres d'utiliser ce qui est intelligent pour eux autres. S'ils font pas, fuck out. Tant pis pour eux autres. Moi, j'aime ça, un vampire rentable. Il est vampire dans le sens qu'il tient beaucoup, mais il est rentable parce qu'il m'apporte beaucoup. Et voilà. Mais ça part du fait que tu as un intérêt. Oui.